طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. ما حال الحديث هذا؟ ها أبو إن؟ الله أعلم. أخونا أبو صالح. لا ضعيف، ولكن جاء من قوة كثير فهو حديث في الأصل ضعيف، لكن تعددت طرقه فصار بمجموع طرقه يصلح للاحتجاج، يعني ارتفع إلى درجة الحسن والحسن من قبيل المقبول، الحسن لغيره من قبيل المقبول. أحسنت. طيب، وهل طلب العلم فعلا يجب على كل أحد من أمة الإسلام؟ Est-ce que le fait de rechercher la science, c'est véritablement une obligation pour tout un chacun de la communauté islamique? Ah, Moussa. Donc, c'est une obligation qu'il apprenne la science de l'héritage, c'est une obligation qu'il apprenne la science du sarf. Pas toutes les sciences. Ah ouais. Il apprend la science utile. Par exemple, s'il veut faire le pêche, il apprend la science du pêche. S'il veut faire la salade, il apprend la science du salade. Naam, ahsant, lillah yadarruk. Le but visé du hadith, c'est-à-dire c'est la science, l'apprentissage de la science est obligatoire pour toute personne, pour tout musulman, c'est-à-dire la science dont il a besoin pour établir sa religion, que ce soit au niveau de la croyance, que ce soit au niveau de l'adoration, que ce soit au niveau des comportements ou autre, tout ce qui lui est impératif d'accomplir dans ces choses-là, il lui est également impératif d'apprendre le comment, comment il doit adorer Allah Azza wa Jal. Dans ces différents points. Donc on poursuit dans l'introduction l'introduction qu'a évoqué notre cher Saïd ibn Da'as alayhi rahmatullah. طيب، ثم قال وما زاد على القدر الواجب فهو من الفروض الكفايات من العلم. طيب، on a dit que toutes les adorations qui l'incombent aux croyants, le fait d'avoir la connaissance sur ces adorations, c'est une obligation. C'est-à-dire le fait d'apprendre comment adorer Allah Azza wa Jal de la manière qu'il nous l'a demandé, cela, c'est une obligation pour tout un chacun parmi les musulmans. Tamam. Mais en ce qui concerne les choses qui sont au-delà de cela, qui ne rentrent pas dans les obligations religieuses. Tout savoir au-dessus ou superflu, mais tout savoir qui ne concerne pas les obligations religieuses. Là, ça rentre, c'est plus dans ce qu'on appelle fard'in, c'est fard kifaya. Ça rentre dans les obligations qui ne sont plus obligatoires à tout un chacun, mais qui sont obligatoires à un groupe de la communauté, à l'exception d'un autre. Vous avez compris ça? C'est optionnel, quoi. C'est optionnel, on va dire. Ouais. Ça, c'est plus une obligation sur la totalité des gens de la communauté, mais ça devient une obligation que sur un groupe d'entre eux. C'est une partie s'en occupe, elle est... Si une partie, obligatoire sur les... Sur voilà, les... si une partie de la communauté s'occupe d'acquérir cette science-là, ce n'est plus obligatoire sur la totalité ou sur le restant de la communauté. Ça va ? قال فما زاد على القدر الواجب فهو من الفروض الكفايات من العلم وهذا شأن طلاب علوم الشريعة فهم الذين يعتنون بتحصيل ما زاد على القدر الواجب وما زاد على فرض العين من العلم. Et en vérité, ça c'est ce qu'on attend des toulab al-ilm, ce qu'on attend des étudiants en sciences. C'est-à-dire qu'ils aillent plus loin dans la recherche de la science que le simple fait de s'occuper des connaissances qui sont obligatoires. Non, il faut qu'ils aillent plus loin, ça c'est ce qui est attendu des étudiants en science. ثم قال وضابطه كلما لم يتوقف عليه استقامة دين العبد في نفسه عبادة وعقيدة وإنما يتوقف عليه استقامة الدين عموما وذلك بضبط أصوله وقواعده ومعرفة الدلائل ودفع الشبهات والإرادات التي ترد على الحق هذا كله من قبيل فروض الكفايات. نعم. Comment on pourrait définir la science qui n'est pas obligatoire à tout un chacun, mais qui est obligatoire à un groupe? C'est la science, en vérité, qui, en vérité, on n'a pas nécessairement besoin de cette science-là pour adorer Allah Azza wa Jal, que ce soit au point de vue de la croyance ou au point de vue de l'adoration ou des comportements. Tamam. Ça, c'est ce qu'on appelle la science qui est obligatoire à une partie de la communauté et non à la totalité. En fait, pourquoi Cheikh Saïd il évoque ça, c'est très intelligent de sa part, car il va vous faire comprendre déjà d'entrée que le livre qu'on va étudier, dedans, il y a des choses qui sont obligatoires à toute la communauté de savoir, et dedans, il y a des choses qui sont obligatoires à un groupe de la communauté, à l'exception d'un autre. C'est compris, non ? طيب وعلى هذا فالواجب تعلم من العلم من علم العقيدة الشامل لعلم الأسماء والصفات وهو معرفة أحكام العقيدة على وجه الإجمال دون معرفة التفاصيل والدقائق لأن معرفة التفاصيل والدقائق المسائل هذا زائد على القدر الواجب وما زاد على ما هو فرض عين على كل مسلم تعلمه. طيب donc là, et ça c'est une très grande faïda du Cheikh l'Islam dont a profité Cheikh Saïd, c'est que qu'est-ce qui incombe aux musulmans de connaître dans sa aqidah, ce sont toutes les règles relatives à la croyance, mais d'une manière globale. Par exemple, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il possède les plus beaux noms, ça c'est d'une manière globale. On se doit, chaque musulman se doit de croire à cela et d'affirmer cela. Tamam. Et d'avoir la connaissance sur cela. Tayyib. Est-ce que le fait de reconnaître qu'Allah, parmi les noms d'Allah, il y a At-Tabib. Est-ce que ça, ça rentre dans le point évoqué? Non, là c'est en détail. Tout ce qui est en détail, là ça rentre plus dans ce qui est obligatoire de connaître à chaque musulman. Vous avez compris? Donc ce que le musulman il se doit de connaître obligatoirement, c'est les points de la aqidah d'une manière globale. Les points de la croyance d'une manière globale. Le fait, maintenant, qu'Allah possède les plus beaux noms et qu'il possède les attributs les plus élevés. Même si tu ne connais pas les attributs d'Allah Azzawajal, ça, cette croyance-là, t'es obligatoire. Et à partir de quand ça devient surrogatoire surrogatoire, c'est lorsque on parle du détail. Lorsqu'on rentre dans le détail. Ça va ? فالواجب من العقيدة معرفة إجمالها كما نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. Donc le واجب, ce qui est obligatoire à chaque musulman de connaître, ce sont les points globaux de la croyance, comme cela a été évoqué de la part de Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah et d'autres. أن الواجب معرفته في باب العقيدة الشامل لعلم الأسماء والصفات ولغيره مما هو من علم العقيدة. ثم قال معرفة العقيدة على وجه الإجمال دون تفاصيلها ودقائقها هذا هو الواجب لأن التفاصيل والدقائق هذا قدر زائد على ما كان من قبيل الواجب العيني والفرض العيني على كل مسلم تعلمه. Ensuite il dit وعلم العقيدة لا سيما الذي يندفع إلى تعلمه طلاب العلم وهو ما زاد على معرفة الإجمالات في العقيدة هذا لا ينبغي لطالب العلم أن يجهلها أو أن يجهله. Donc en ce qui concerne les points de la croyance qui sont évoqués dans le détail, ça on a dit ça ne concerne pas la totalité de la communauté. Mais les étudiants en sciences, ils se doivent de faire des efforts dans ce domaine et d'acquérir la connaissance dans les points détaillés de la croyance et dans d'autres aussi. Dans les points détaillés de la croyance, de l'adoration, des comportements, des mu'amalat. Ça fait vraiment partie du domaine des tullab al-ilm, du domaine des étudiants en sciences. Ouais, inshallah, kullukum antum tullab al-ilm. Et inshallah, vous êtes tous considérés comme étant des étudiants en sciences. Donc, personne d'entre vous ne doit s'arrêter au simple fait d'avoir acquis une science globale. Mais il se doit d'aller dans les détails de la science. قال لا ينبغي لطالب العلم أن يجهله لا سيما إذا كان يهيئ نفسه إلى أن يقود أمة أو أن يكون صاحب دعوة أو رادا على أهل الباطل أو مقررا أو مدرسا أو مبلغا لعلم العقيدة ولسائر العلوم. كلام جميل جدا. Le cheikh il te dit, il ne convient pas à un étudiant en sciences d'ignorer les points détaillés de la croyance ou autre parmi les matières religieuses. Il ne convient pas à un étudiant en sciences d'ignorer ces points-là. Surtout pour celui qui prépare sa personne à être quoi ? À être un guide pour la communauté. À être un guide, un yaqoud, pour qu'il prépare sa propre personne à diriger une communauté. Ou à être un prédicateur, quelqu'un qui a une da'wa. Ou il prépare sa propre personne à être quelqu'un qui réfute les gens du faux. quelqu'un qui réfute les gens du faux, ou quelqu'un qui analyse les textes, ou quelqu'un qui donne cours, un professeur, ou quelqu'un qui transmet la science de la croyance. Tout ce qui est évoqué, c'est la, en vérité, c'est l'ambition que doit avoir un talib ilm. L'ambition que doit avoir quelqu'un qui recherche la science, il ne doit pas s'arrêter juste à sa propre personne. Le fait de vouloir retirer la part d'ignorance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala comme quoi le talib al-ilm, il lui convient d'avoir une grande ambition. Un talib al-ilm qui ne pense qu'à enlever son ignorance, c'est bien. Mais c'est pas comme celui qui pense à être quelqu'un qui va diriger une communauté, ou quelqu'un qui va être une cause de la réforme de tout un peuple. C'est très important fi talab al-ilm d'avoir une grande ambition. Et en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à la personne en fonction de son ambition. Si son ambition elle est petite, Allah il lui donnera petit. Mais si son ambition elle est grande, Allah il lui donnera. Naam. Wa kana akhuna Hamza alayhi rahmatullah كان على جانب عظيم من الهمة. Il fait partie de ceux qui avaient dont on a pu voir une grande ambition, une très grande ambition. حتى كان يقول إذا رجعت بلدي يعني قريتي جوارا أرجو أن أكون مجددا للقطع كلها. Il a l'habitude de dire que si Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite le retour après avoir étudié dans son village, le village de Diawara au Sénégal, il espère être le revivificateur de la religion pour tout le continent africain. ولما كان يحدثنا بهذا ونحن ربما نضحك. قال يا حمزة هذا كبير عليه. وهو يقول لنا ألم تسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. فبالنية تعطى. En fonction de ton intention, Allah te donne. Que tu arrives à ton but ou que tu n'y arrives pas. Mais du moment que tu as eu l'intention, Allah va te donner. En fonction de ton intention. وآخرون يعني الشيخ يحيى مثلا كان يقول يعني ينقل c'est pas sa parole à lui-même mais c'est la parole de pieux prédécesseurs. Ils avaient l'habitude de dire à leurs élèves أنتم صغار القوم اليوم وغدا تصبحون كبار. Aujourd'hui vous êtes considérés comme des petits dans le peuple. Mais demain, vous serez grand. Et on a le récit d'Abdallah ibn Abbas. Il recherchait l'ilm. Il partait en allant d'un compagnon à un autre. Il y a un homme des Ansar. Je lui dis, pourquoi tu te fatigues à apprendre le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam? Tu vois pas que dans la communauté, il y a Abu Bakr, il y a Omar, et Othman et Ali, on n'aura jamais besoin de toi. Comment? Allah il a fait que les deux sont restés en vie, Abdallah ibn Abbas et ce compagnon parmi les Ansar. Jusqu'à ce qu'on est arrivé à l'époque d'âge, l'âge d'or de Abdallah ibn Abbas, lorsqu'il y avait des 100 000 personnes qui s'assoient à ses assises, ou plus. Et voilà que cet homme-là, il assiste à l'une des assises où il y a cette grande assemblée. Et il dit, en regrettant, il dit, certes, cet enfant a été plus intelligent que moi, fut un temps. Pourquoi? Parce qu'il avait une grande ambition. فلهذا الذي يجلس في مثل هذه الدروس عليه أن يدع الهمة عالية في السماء. Celui qui s'assoit dans ce genre d'assises ou qui écoute par le biais de la radio ou quoi, il se doit d'avoir une grande attention, d'une grande ambition plutôt. Il se doit d'avoir une grande ambition et pas de se dire seulement voilà ben c'est un dalle, je m'assois, je prends des hasanat. Là, c'est un dalle demain et yamfa'u. Demain, peut-être tu pourras le retransmettre. Demain, Mada, c'est toi qui donnera la cour. Donc là, c'est une belle parole de Cheikh Saïd. Il nous dit comme quoi il ne convient pas à un talib al-ilm d'ignorer les points spécifiques, les points détaillés de la croyance. Surtout pour celui qui prépare son âme à être un prédicateur ou à être un dirigeant d'une communauté tout entière ou être quelqu'un qui réfute les gens du faux ou autre. Tamam. قال لا ينبغي لطالب العلم ان يخوض في امره ليس ان يخوض في امره ليس له به علم ولا معرفه وحسب المرء كما قال سعيد بن جبير rahimahullah an yaqif haythu alima. Et là il passe dans un autre point, là il évoque encore un autre point. C'est pour ça que cette muqaddima elle vous montre la quwwa du cheikh dans le sabbat, la quwwa, la force qu'il avait, la pertinence qu'il avait ce cheikh Saïd dans le raffermissement sur la voie des pieux prédécesseurs. Donc avant qu'il rentre dans le livre, il te fait comprendre énormément de points bénéfique pour toi dans ton talab al-ilm tout entier. Donc là, il te dit, et il ne convient pas à un talab al-ilm de rentrer dans une chose qu'il ne maîtrise pas, de rentrer dans une chose qu'il ne connaît pas, où il n'a pas de connaissance. Et comme est bonne la parole de Saïd ibn Jubayr, lorsqu'il dit, il suffit à un individu de s'arrêter là où il a connaissance. S'il ne connaît pas, il n'avance pas plus loin. Il dit Allahu a'lam wa la yatajawaz. Et il ne dépasse pas cette terre. Il dit Allahu a'lam. Hal lillahi qadam? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a un pied? Tu sais, tu parles, tu ne sais pas. Allahu a'lam. N'invente pas. Ne dis pas là, je peux rentrer, je peux essayer de parler là. Hadha al-bab laysa al-majal majal lil-juhala. Donc ça, c'est des chapitres qui n'acceptent pas les ignorants. Les ignorants, ils sont réfutés à la porte de ce genre de chapitre. Bab al-ilm. Thumma qal, fa anta ya talib al-ilm, fa la shakka anna talabaka lil-ilm lahu maqasid, wa min hadhihi al-maqasid raf' al-jahl an nafsik hatta ta'bud Allah subhanahu wa ta'ala ala ilmin wa ala basira. وهذا مقتضى أنك تهدف إلى سلامة إلى السلامة من فساد الدين والمعتقد وكذلك في العبادة. Donc là, il te dit, يعني c'est un conseil du cheikh, tu vois, يعني où il dit, ô toi, talib al-ilm, il n'y a nul doute que lorsque tu recherches la science, tu veux par cela dissiper ta part d'ignorance. Tu veux par cela dissiper ta part d'ignorance. Afin que tu adores Allah Azza wa Jal avec science et avec clairvoyance. Et cela sous-entend que tu veuilles par ton talab al-ilm la préservation. La préservation de quoi, Yahya Khan? Hein? Et cela sous-entend que tu veuilles la préservation, que tu recherches la préservation. La préservation de quoi? La préservation face à l'égarement, la préservation de ta religion. La préservation de ta religion. Qala wa hadha muqtada annaka tahdifu ila salama min fasad ad-din fi al-mu'taqad wa fi al-ibada. فطلبك للعلم تهدف إلى سلامة دينك من الفساد في الأخلاق والعبادات وهكذا أيضا في العقيدة. Donc le fait que tu recherches la science, ça sous-entend que tu recherches la préservation dans ta religion, que ce soit du point de vue de la croyance, que ce soit du point de vue des adorations, que ce soit du point de vue des comportements. Et aussi en ce qui concerne le tawhid. وهكذا أيضا في العقيدة وفي التوحيد لأن الإنسان لا يسلم من مثل هذه المزالق إلا بأن يتفقه ويتعلم من دينه ما يقتضي سلامته من مثل هذه المخاطر. نعم. Et ceci parce qu'en vérité l'être humain, l'individu, il ne pourra jamais se préserver des ambiguïtés ou des pièges qu'il y a devant lui en ce qui concerne sa religion. Il ne pourra jamais les éviter que lorsqu'il apprendra sa religion. وهذا هو ما دل عليه منطوقه عليه الصلاة والسلام ومفهومه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Et donc ensuite le cheikh dit, et voilà ce qui est indiqué par les paroles du prophète même, ainsi que la compréhension de ces paroles là lorsque le prophète sallam dit man yurid Allah bihi khayran yufaqihu fi din, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui enseigne sa religion. Donc là c'est clair. يعني c'est une parole qui est claire du prophète alayhi salatu wasalam. Hada mantuq, ça vous le verrez dans usul al-fiqh, al-mantuq wa al-mafhum, vous le verrez dans usul al-fiqh. Lakin là la parole du prophète alayhi salatu wasalam, elle est claire, explicite. Celui à qui Allah veut du bien, il lui enseigne la religion. Mais on peut comprendre de cette parole là que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il veut pas du bien, la ya'limu la ya'limu ad-din wa la yufaqihu fi. Que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas du bien, il ne lui enseigne pas la religion. طيب ثم قال فالخير في الفقه فالخير في الفقه في الدين والشر منوط بعدم الفقه في الدين في دين الله عز وجل. Donc le bien tout entier il se trouve dans l'apprentissage de la religion. Le bien tout entier il se trouve dans l'apprentissage de la religion, tandis que le mal il est lié avec le fait de ne pas apprendre sa religion. Subhanallah. Tandis que le mal il est lié avec le fait de ne pas apprendre sa religion. ومن لم يتفقه في دينه ولم يتعلم من أمر عقيدته ومن أمر عبادته وسائر ما يحتاجه كان عرضة للزلل هو رب الكعبة كان عرضة للزلل وعرضة للفساد في دينه بقدر جهله في دين الله عز وجل. Et celui qui n'apprend pas sa religion, qui n'apprend pas ce dont il a besoin de connaître, ou ce qui lui est obligatoire de savoir, que ce soit en termes de croyance, ou que ce soit en termes d'adoration, ou autre, alors lui, il est proie aux erreurs, il est proie à l'égarement et à la perversion de sa religion. Et ceci en fonction de son ignorance. Plus il est ignorant, plus il pervertira lui-même sa religion jusqu'à en sortir. Non. Thank you.